comme ça qu'on les réveille. Réveille au son du temps. On les réveille au son de la cache, les dents sont remplies de choses. J'serai au moins dans le cul de leur connasse quand j'aurai pris le coup de grâce. Passe les go, passe les os, passe les années. Passe les classiques, ma carrière est tellement panée. Le fan mon dévot te dira, j'ai commis crime, j'en suis pas fier. J'suis avec les hauts, pas que les schmilles, j'rôde avec mon slip en fer. Méprise le game, méprise le game depuis des années. Route, pavé de pétale, mais il m'en a jamais parlé. La Vierge Marie, Jésus-Christ, regarde à travers. J'en vois tout l'été, j'en vois tout l'hiver, mais que du salaire. L'armée de guerre chargée dans le top n'est qu'un détail. Million d'euros pour moi, l'euro en éternité. J'ai pas en femme et pas en rien, lui dis va choper le drone. J'me sers tous ces fils de pute, l'absenté j'm'en bats les couilles. Allez les bleus, allez les lions, moi je suis un vedette. Tout seul les baisers nous devons demander à V2R2. Tous les jours les gros c'est Friday. S65 au jour et des blocs sénégalais. Gros salaire de la chico comme jamais. J'ai fait ce qu'il fallait. Tous les jours les gros c'est Friday. S65 au jour et des blocs sénégalais. Gros salaire de la chico comme jamais. J'ai fait ce qu'il fallait. T'es plein de wesh la mif salam cousin c'est quoi les bails. Ta tronche d'enfant de putain ne me dis rien qui vaille. J'ai du mal avec les humains car c'est un animal. J'ai craché garde la pêche pute il va pas loin tu ailles. Chez toi y'a un gris sous roche, chez moi y'a qu'à la chungra. Quand la route tourne que je t'encule, j'appelle ça le karma sutra. T'as beau faire du MMA, j'vais te faire bouffer ton RSA. Tu n'y l'as pas mais j'étais là, t'as 6 étoiles non j'étais A. T'en prends des tipis, carreaux de bouffe passe aux assises. La justice a deux vitesses, le Lamborghini en assise. Quand j'étais minot, beaucoup de négros, corps de peau. Vénus de Milo, Vénus de Gilo, je veux tout. J'ai pas un peu mais pas un rien, lui dis dans la champagne ronde. J'y sers tous ces fils de pute, leur santé j'm'en bats les couilles. Allez les bleus, allez les lions, moi je suis un peu des deux. Tous seuls les baisers nous devons demander à des deux R2. Tous les jours les gros c'est Friday. S65 au jour et les bleus sénégalais. Gros salaire de l'âge, le psycho comme jamais. J'ai pas ce qu'il fallait. Tous les jours les gros c'est Friday. S65 au jour et les blocs sénégalais. Gros t'as l'air de lâcher le chico comme jamais. J'ai pas ce qu'il fallait.